podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 5. Épisode 2. Les gens qui repoussaient les limites des choses. Il y a bien longtemps, en 2022. Des divisions de classe étaient à l'œuvre dans la société. Excusez-moi, vous auriez une petite pièce ? Oh, je suis désolée, monsieur. J'aimerais pouvoir vous aider, mais malheureusement, je suis de droite. Je comprends. Merci quand même. Bon courage. À vous aussi. Les gens qui appartenaient aux classes inférieures savaient généralement ce qu'ils avaient à faire. On va essayer de boucler le mois. Ceux des classes supérieures aussi. On va essayer de payer moins d'impôts que l'an dernier. C'était plus difficile pour les gens de la classe moyenne. Ces gens-là étaient de moins en moins riches, mais se comportaient comme s'ils l'étaient de plus en plus, remplaçant la richesse qu'ils n'avaient plus par une surenchère de la sophistication. Ils repoussaient sans cesse les limites de différentes choses. Les prénoms des enfants, tout d'abord. Yotan, Asphodel, Ulysse 31, Donkey Kong, à table. Mais aussi le prix de ce qu'ils achetaient. C'est combien le service de Limoges ? 400, 500 ? Non, 30 euros. Non, tant pis alors. Leurs habitudes alimentaires. T'as vu les photos des plateaux de la cantine que Nathalie a postées sur le WhatsApp des parents d'élèves ? Non, pourquoi ? Encore une recette au Tolenghi, c'est la troisième fois cette semaine. Pour les gamins qui n'aiment pas le sésame, c'est chaud, quoi. Au moins, comme ça, ils ont des repères. Arrête, on dirait ma mère. L'orthographe. Je voudrais déclarer la naissance de ma fille. Elle s'appelle comment ? Nathalie. Ah bon, Nathalie ? Très ordinaire, vous êtes sûr ? Non, mais ça s'écrit avec un S entre parenthèses à la fin. Ah oui, ça m'étonnait. Nathalie's. Le bien-être. Tiens, c'est quoi ? Un potager connecté ? Une boîte à histoire ? Non, c'est mon orgueil huile essentielle. Ah, trop bien. Je mets n'importe quoi ici. Par exemple, ce yaourt de brebis périmé. Et ça extrait automatiquement de l'huile essentielle de cette chose que je peux utiliser dans mes soins et cosmétiques maison. Par exemple, cette crème de jour. Ah, trop bien. Et même, de manière méta. Il repoussait les limites du fait de repousser les limites. J'ai décidé d'employer le mot méta comme un adjectif maintenant. C'est méta. Ah ouais, pas mal. Moi, j'ai décidé de l'employer comme un substantif. C'est du méta. Moi, j'ai décidé de l'employer à la place de divers mots à la manière des schtroumpfs. Tiens, tu me passes le méta, s'il te plaît ? Et moi, j'ai décidé de l'employer sans aucune raison. Méta, méta, méta. Puis Mark Zuckerberg plia le game de ce côté-là. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Il fallut trouver autre chose. C'est chiant, t'as encore fait toute l'eau chaude. Ouais, j'ai décidé de repousser les limites du chauffe-eau. Ça les repousse pas. Et quand on leur demandait pourquoi ils repoussaient les limites de tout, leur réponse la plus fréquente n'était pas « Je suis immature, je m'ennuie et j'ai peur de la mort ». Mais plutôt quelque chose comme « Ah oui, tu trouves que je repousse les limites des choses ?» C'est marrant, je m'en étais jamais rendu compte. Mais c'est vrai qu'on me le dit souvent. Tiens, attends, puisque t'es là, je vais te faire écouter les sons que j'ai fait ce mois-ci avec GarageBand. Okay. J'ai chopé des samples de synthé analogique des années 80. La nostalgie, c'est un truc de malade, mon gars. C'est vraiment le moteur de la création pour moi. J'ai remarqué que si j'ai pas mes Stan Smith au pied, j'arrive simplement pas à composer, c'est un truc de ouf. Pendant ce temps, les gens d'une autre catégorie socio-professionnelle vivaient toujours de leur manière plate, ennuyeuse et normale. Alors vous avez prévu quoi jeudi pour la journée mondiale de l'hypersensibilité ? Rien, on reste à la maison. Ah ouais ? Boring ! Nous, on va faire un escape game en haut de la tour Eiffel. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment. Ah ouais ? Boring ! Quant aux gens super riches qui détenaient les trois quarts des richesses mondiales, on n'avait plus beaucoup de nouvelles. Mais on supposait qu'ils allaient bien. De toute façon, ils n'étaient plus qu'une dizaine. Ils sont dans l'espace, non ? Aucune idée, c'est possible. Les gens qui repoussaient les limites des choses étaient donc devenus le diapason de la société. Bonjour. J'aimerais inscrire mon fils à l'école. Puis-je vous demander si votre enfant est au potentiel ? Non, pas spécialement. Asperger, hypersensible ? Non plus, non. Pas de maladie de Crohn, pas d'allergie au sésame ? Non. Dans ce cas, ça va être compliqué. Il faut une école pour les gens normaux, mais la plus proche est à 60 km. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire l'école à la maison ? Non, j'ai autre chose à faire. Je sais pas quoi vous dire, rien. Un fossé se creusa entre les gens qui repoussaient les limites des choses et ceux qui n'avaient pas le temps ou pas les moyens de le faire. Et tu fais où tes courses ? À Leclerc. Ah ouais, trop bizarre. Moi, je les fais uniquement dans des concept stores éphémères dans les catacombes de Paris. Oui, mais tu sais, j'habite à Besançon. Ah ouais ? Trop marrant. Un truc avec les gens qui repoussaient les limites des choses, c'est qu'ils étaient souvent fascinés par les choses qui repoussaient les limites des gens. T'as vu ? Avec ma nouvelle montre connectée, je reçois une notification dès qu'il est 10h10, 15h15 ou 22h22. Cool. Ouais, et tous les soirs, je reçois un rapport détaillé par mail qui m'indique combien de fois c'est arrivé dans la journée. Super. Tu vois ? Avec ma nouvelle tranche de jambon connectée, je peux savoir d'où viennent les porcs qui ont été abattus pour mon sandwich, apparaissant sous forme de zones de couleur. Là, en l'occurrence, ils ont tous le drapeau breton. Ah, stylé. Ah tiens, regarde, avec mon nouveau taser connecté, je peux créer des profils de force en fonction des gens que je tase. Par exemple, si c'est quelqu'un qui m'agresse dans la rue, ça va envoyer du 8 ou 10. Mais si c'est ma fille qui réclame des dessins animés, ça va plutôt être super light, genre 2-3. Ah, intéressant. Et le taser va les reconnaître automatiquement et aller chercher les presets que j'ai sauvegardés. Ah, trop bien. Aïe. Tu vois, pour toi, apparemment, j'avais mis 5. Concrètement, les gens qui repoussaient les limites des choses finirent par se mettre tout le monde à dos. Pardon, vous auriez pas un euro pour m'acheter un café ? Non, mais vous tombez bien là. Est-ce que vous auriez un chargeur d'orgue à huile essentielle à me dépanner ? Ouais, bien sûr. Tenez. Ah, super. Il est invisible. Ah, stylé. Je vous le rends dès que je suis à 10%. Vous pouvez le garder, j'en ai plein. Ah oui, merci. Bonne journée. Les choses que faisaient les gens qui repoussaient les limites des choses avaient fini par atteindre les limites des gens qui ne le faisaient pas. Mais ils étaient trop nombreux pour qu'on s'en débarrasse. Il a fallu apprendre à vivre avec. C'est-à-dire à les esquiver le mieux possible en attendant l'effondrement de la civilisation industrielle. Mais quand l'effondrement est arrivé, ils avaient déjà successivement repoussé les limites des prix des trois pièces dans le 11e. Des maisons en Bretagne. Puis des bunkers en Nouvelle-Zélande. Et c'est pourquoi on n'existe plus. Ils ont gagné. Ce sont eux qui racontent cette histoire. De manière méta. Stan Smith au pied. Tout mouillé d'une si terriblement ironique méta-mélancolie. C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Camille Rutherford, Lise Marie, Maxime Nicolai Jack, Catherine Hirsch, Jean-Baptiste Verquin, Damien Zanoli, Martine Chambacher, Patrick Lemont, Marina Cap, Julien Boigny, Daniel Klinsberg, Aude Ronet, et la participation de Clémence Bûcher. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Élise Le. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.